la capuche pour moi se faire cramer dans nos vies. Si tu veux mon avis, j'ai capté tes manies, je traîne dehors, je suis pas novice. Je me resserre un verre, il faut que je vide le sang d'Arcarmen, la remplisse. Tes potes en prison et d'autres ont suivi l'enfer. T'as le quartier qui sert, on s'en est tous pas remis. On part charbonner.